la pause interview sur Radio Côte Basque avec la rubrique spéciale Esprit vivant. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Yannick Tanguy au micro de Bruno Fleury. Bonjour Alain et bonjour Yannick. Il y a quelque chose de particulier avec une affiche des fêtes de Bayonne. On la regarde, mais en réalité, on la ressent. C'est quelques traits, quelques couleurs, et pourtant ça porte des générations, des souvenirs, des rires, des nuits blanches, et parfois même des choses que l'on ne voit pas. Yannick, qu'est-ce que tu peux nous dire comment tu as créé cette affiche des fêtes ? Alors, c'est parti d'une photo que j'avais, un montage photo que j'avais fait l'année dernière pour mettre en valeur des t-shirts que j'avais fait pour la ville d'Anglette pour les fêtes, une capsule pour les fêtes de Bayonne. Et j'ai trouvé l'image sympa et elle répondait à certains, ça faisait plaisir aux gens de la voir sur les réseaux, donc je me suis dit que c'était une belle image à reproduire. Et ensuite j'ai fait pour la première fois le réveil du roi Léon l'année dernière, ouais, avec des copains qui avaient une petite fille sur les épaules, et je me suis dit bon, là cette image elle me plaît beaucoup, et donc j'ai réalisé tout ça au trait, au crayon, au pinceau. Effectivement, quand on regarde ton affiche, on voit un petit peu et on ressent tout de suite les codes des fêtes. C'est vachement important. Voilà, au fur et à mesure, au bout de 10 ans de présence au Pays Basque pour une Bretonne, ben, j'ai appris au fur et à mesure les codes. Et puis, la première année, quand j'ai fait l'affiche des fêtes, c'était beaucoup plus graphique parce, oui, que c'est la deuxième année que je le fais. Oui. Et là, j'ai voulu mettre quelque chose de plus traditionnel parce que je crois que c'est vraiment très important pour les gens d'avoir un aspect traditionnel. Et du coup, j'ai aussi mis des codes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le Yualdoun, on n'a, ouais, pas l'habitude de clairement, le voir. Clairement. Voilà. Alors certains disent que ça fait plus carnaval, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un défilé de Yualdounak pendant les fêtes. Et moi, j'ai toujours ça me prend au trip quand j'entends les cloches, donc j'avais envie de le faire. Et il y a certainement dans cette affiche quelque chose que tu vois toi, que les autres ne voient pas peut-être à l'intérieur. Alors oui, il y a des codes qui sont un peu plus subtils parce que tout le monde veut mettre tous les codes dans l'affiche, sauf que ça devient vite, je ne vais pas dire fouillis parce qu'on arrive quand même à organiser, mais de mettre tous les codes au même niveau, bon, ça ne le fait pas en termes graphiques. Oui. Et donc du coup, il y a la clé dans le titre des fêtes et il y a le roi Léon qui est, même si le thème de l'affiche, c'est sortir du réveil du roi Léon avec, oui, le papa et le garçon, il y a la sérigraphie de l'effigie du roi sur le petit garçon, le foulard du petit garçon. C'est une lecture joyeuse, évidente, forcément, celle des fêtes, du partage, de la tradition des fêtes de Bayonne, et une autre peut-être un peu plus silencieuse, justement dans la tradition, dans ce qu'exprime ton affiche. Alors, moi, ce que j'ai voulu dans cette affiche, surtout, c'est l'aspect intergénérationnel, c'est-à-dire que vraiment, il y a une transmission de la culture et des fêtes, et une bienveillance, parce que je crois que c'est vraiment très très important de le noter, et que les fêtes, elles commencent pas à 20h le soir, elles commencent le matin à 11h avec tout le monde peut y circuler librement, et c'était un moment que je voulais vraiment mettre en valeur. Oui, c'est vrai qu'il y a ce phénomène où tout le monde arrive nickel, en oui, blanc et rouge. Oui. et c'est assez rare dans les fêtes, mais vraiment la tradition et nos traditions ici à Bayonne, c'est vraiment ça, c'est d'être propre. Quand on croit certains vacanciers ou estivants ou touristes qui voient et qu'on voit pas très bien habillés ou pas très chic, c'est pas du tout ça nos fêtes. Ben non, et puis justement c'est très très beau. Moi, quand je suis arrivée la première fois il y a 10 ans, que j'ai vu cette marée en blanc et rouge, vraiment c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout en Bretagne, ça. Oui, c'est vrai. Et on est beaucoup plus à l'intérieur en Bretagne. Ici, on a l'avantage d'être dans un pays qui est proche de la frontière espagnole, oui, donc avec d'habitude de vivre les choses à l'extérieur, oui, et en costume, et je trouve ça magnifique. Donc il faut le garder, ce... Voilà. Oui, c'est vrai que si on compare un peu le fest-noz breton avec un petit peu les moulchicots ici, Il y en a qui se ressemblent. Il y en a qui se ressemblent. Je trouve que... À la fois, je trouve que si on fait une petite comparaison, il est rare qu'en Bretagne, dans un bistrot, les gens se mettent à chanter comme ça tout d'un coup et à l'unisson. Oui. Et alors qu'au Fête de Bayonne, on chante énormément. Et c'est peut-être ça aussi qui manque dans la tradition et de ce qu'on peut-être donner à nos enfants ou aux petits-enfants. Cette tradition, elle est tellement forte. Ah oui, je ne sais pas oui. ce que tu en penses. Ah oui, moi je trouve qu'elle est très forte. Et puis ici au Pays Basque, vous la perpétuez magnifiquement bien. Je trouve que plus que bon, en Bretagne, c'est moins présent. Ici, c'est vraiment, voilà, on est basque, on perpétue les chants, la langue, bon, sûr. Mais tout ce qui va autour du Pays Basque est voilà, ça se perpétue et c'est très très bien comme ça. C'est vrai que les Basques et les Bretons sont un peu des cousins ou des cousins germains. Hein. Oui. Si on regarde un petit peu ce qui peut se passer, notamment à Lorient avec ce magnifique festival interceltique, mais ça reste un spectacle, le festival. On vient voir défiler les groupes, les bagades, les sonneurs, alors qu'à Bayonne, on est tous participants finalement à la fête. Partie prenante. Ouais. Et ça, c'est vraiment très étonnant oui. et assez spécial à Bayonne ou à Pamplune ou à d'autres villes hein, qui organisent ce type de fête. Et c'est vrai que je ne sais pas ce que tu penses justement des jeunes adultes, des jeunes parents, parce que effectivement sur ton affiche, on voit un enfant sur des épaules, et c'est ça vraiment la tradition, hein, c'est d'accompagner les enfants et les petits-enfants vers cette tradition des fêtes. C'est vraiment ça ce que tu as voulu dire à travers l'affiche aussi. Ah oui, oui. Bon, alors moi, au départ, j'étais partie sur plutôt un symbole de bienveillance et intergénérationnel, et après, j'ai vu que les commentaires, les gens qui me félicitaient par rapport à l'affiche, des fois, la racontaient bien mieux que moi. Et du coup, il y avait cette notion de transmission. Et oui, elle est d'une évidence, mais moi, les mots ne m'étaient pas venus quand je faisais l'explication de l'affiche. Et eux, ils la racontaient. Mais j'ai eu des commentaires vraiment qui ont été très honorifiques et qui racontaient mieux l'affiche que moi. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'avoir partagée avec pas mal de gens, quand on la regarde, pour nous, elle est vraiment parlante, quoi. Il y a quelque chose, quoi. Elle est différente. On est sorti un petit peu des dessins qui étaient beaucoup plus caricaturaux par certaines années. Et là, on a vraiment l'impression de retrouver une tradition, la tradition des fêtes de Bayonne. Le style de l'affiche y est pour beaucoup aussi, parce que quand vous faites des affiches, et moi je le fais, hein, des affiches en dessin très vectoriel, très plat, c'est pas du tout la même rendu qu'un dessin au trait et avec le geste et tout. Donc il y a un aspect un peu vintage dans l'affiche. C'est ce qui plaît, certainement. Voilà, et du coup, c'est ce que je voulais. Alors bon, il y a des gens qui m'ont dit un manque de couleur, mais en fait ça aurait dénaturé complètement le sujet, et le sujet principal étant le papa et le petit garçon, il fallait vraiment rester là-dessus. J'avais mis un fond à cette affiche, on n'était plus dans le même domaine. Donc voilà, il y a des partis pris qui sont assumés, et voilà. En fait, si tu as gagné ce concours des fêtes aussi, c'est qu'il y a eu un jury, il y a eu beaucoup de votes, oui. Et que je pense vraiment, du fond du cœur, que les gens se sont retrouvés dans ton affiche, dans ces traditions. J'espère. Les gens qui ont voté et le jury s'est retrouvé vraiment. Et c'est pour ça certainement que tu as gagné, et bravo, parce que c'est vraiment... Merci. Est-ce que c'est ton métier, le dessin ? Oui, oui, c'est mon métier. En fait, à la base, j'ai fait les Beaux-Arts de Rennes, et oui. Puis après, je suis partie plutôt dans la publicité. Comme graphiste au départ, et puis j'ai monté directrice artistique en agence. Et après, avec le fait que j'avais... C'est pas évident d'être en agence de publicité, il y a des horaires qui sont assez particuliers, oui, on va dire. Sûr. Et j'avais des jeunes enfants, donc j'ai décidé de passer de l'autre côté. Ce qu'on dit de l'autre côté, c'est en entreprise. Et là, je suis devenue chargée de communication, responsable communication et marketing. Mmh. Et puis là, je suis devenue indépendante à 53 ans. Et voilà, ça fait 3 ans que je suis indépendante et je travaille pour différents domaines. Ok, c'est chouette. Et puis derrière ces fêtes, derrière ces affiches, derrière ce travail de graphiste, ce travail de créa, il y a une femme. Oui. Il y a une femme et puis il y a une femme qui souffre parce que si tu veux bien, j'ai envie que tu nous parles un petit peu de ta souffrance et donc de la fibromyalgie. Oui. Et voilà, de ce qui te ronge un petit peu à travers cette maladie. Alors, ça fait 8 ans que s'est déclarée la fibromyalgie. Donc, j'ai été vraiment, oui, comme vous dites, en souffrance pendant 3-4 ans. Ensuite, je me suis mise en indépendante. Là, j'ai quand même réussi à mieux gérer douleur et travail. Donc, pendant 2 ans, ça a été à peu près. Et là, ça fait 1 an et 3 mois que les crises ne me lâchent pas. Et c'est le propre de la fibromyalgie, c'est-à-dire que vous pouvez aller relativement bien pendant un certain temps. Et c'est par crise qui peuvent être très, très invalidantes. C'est une maladie à vie. Oui. C'est des lésions au niveau du cerveau. Oui. Et c'est des lésions du système de la douleur. Et donc, qui peuvent vous provoquer une liste assez incroyable de symptômes. Ça va des douleurs articulaires, musculaires, oui. Des décharges électriques, des oui. acouphènes, de la fatigue chronique, des troubles de la concentration. De la mémoire également ? Oui, oui. Ça peut, en forte crise. Oui. Hein, vous avez un brouillard cérébral. C'est ça. Une fatigue intense. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait beaucoup. Et il n'y a pas de traitement. Alors, il y a des médecins qui donnent des traitements, oui. mais à proprement dit, il n'y a pas un traitement spécifique à la fibromyalgie. Ça va être des traitements autour de la oui. fibromyalgie. Donc, ce qu'on nous apporte aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose de pluridisciplinaire, qui est de l'ordre... Alors, le propre de la fibromyalgie, c'est qu'il ne faut pas que vous restiez dans une position stable pendant des heures. Donc, assise, debout. Donc, en fait, le principe, c'est de bouger et de faire du sport, de la kiné, mais du sport adapté, de la balnéothérapie... Il y a aussi parfois un soutien psychologique. Parce oui, que... voilà, j'allais y venir. Est-ce qu'on trouve ici, dans la région, des associations ou y a-t-il un service dans une clinique ou à l'hôpital avec des gens un peu dédiés sur ce type de il y a, maladie ? Il y a le centre de la douleur. Oui. Mais le centre de la douleur, c'est 9 mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Malheureusement, donc oui. moi, mon dossier, il est en cours, par exemple. Oui. Là, vous avez une... Alors moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de les rencontrer. Mais vous avez plusieurs médecins adaptés à la problématique, psychologue, oui. voilà, tout ça. Moi j'ai déjà fait mon soutien psy, c'est surtout pour l'isolement et oui. Gérer la douleur. C'est-à-dire que la douleur ne devienne pas... bon, forcément, il y a un isolement, vous oui. souffrez, il y a un isolement. Oui. Et là, c'est cet aspect psychologique dont il faut faire attention. Oui. C'est pour prévenir de pas déprimer, oui, de pas ça, tomber dans en plus d'avoir une dépression ouais. Due à l'isolement et à la souffrance, parce que maintenir la souffrance pendant des mois et des mois, ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais, et je pense que la famille est la première ressource certainement dans cet accompagnement. Hein, Je t'ai déjà entendu en parler et je crois que c'est important pour toi. Ah oui, parce qu'en fait, il y a des. Alors, c'est 80% de femmes qui oui. sont atteintes, c'est 2 à 3% de la population quand même. Hein. C'est une maladie importante. Oui, bien sûr. Et la plupart des femmes se retrouvent souvent dans des situations catastrophiques parce qu'il y a non-compréhension de la personne, du conjoint. Donc, il y a divorce, souvent des mamans solo qui perdent leur emploi. Oui. La fibromyalgie en France n'est pas reconnue de la même façon en fonction des CPAM. Oui. Moi, j'ai la chance d'être en invalidité catégorie 1. Oui. Et j'ai la chance d'avoir un conjoint qui comprend très bien, qui est un vrai soutien. Et, un aidant aussi. Un aidant, oui, un aidant. Dans les très grosses crises, il est obligé de donner sa part, la mienne, quoi, de prendre la mienne. Oui, c'est ça. Et je suis très soutenue, mes amis aussi. J'ai pas. Alors, j'ai eu dans mon passif de salarié des difficultés par rapport à la compréhension de la maladie, à l'acceptation. Bien sûr, évidemment. Et maladie imaginaire, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Ouais, c'est fou. Mais voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai. Voilà, tout ce qui tourne autour de moi sont des gens plein de compréhension et de bienveillance. Ça, c'est très chouette. Et puis, j'ai envie qu'on ait, là, à l'occasion de cette conversation, une pensée, justement, pour tous les aidants, quelles que soient les maladies. Parce que, pour le coup, eux, ils n'ont pas de ressources et d'aide. Ils peuvent s'ils veulent, mais il y a peu d'organismes, d'associations qui, justement, vont aider les aidants. Oui. Ou alors, il faut aller vraiment chercher par soi-même. Et on peut vraiment leur tirer notre chapeau parce que c'est vraiment très compliqué de pouvoir s'abandonner pour aider quelqu'un qui est dans la souffrance. Ils ne se sentent pas l'autorisation de le faire. Et c'est tout à fait ça. Voilà. C'est tout à fait ça. Et en fait, il faut, quand ça ne va pas... Enfin, moi, je ne suis pas à un stade où je reste couchée à longueur de temps. Mais oui, quelqu'un qui est sur l'accompagnement d'un quelqu'un en fin de vie ou en cancer ou tout ça, j'imagine qu'il faut les accompagner parce que la chute peut être... Oui, c'est ça. Et j'ai échangé récemment également avec justement des soignants qui sont sur des services palliatifs, mais même au sein des institutions médicales, à l'hôpital ou dans les formations, ils n'ont pas tellement d'accompagnement. Oui. Et en fait, une infirmière qui est aujourd'hui à l'IFSI de Bayonne, elle va pouvoir peut-être travailler dans un service palliatif dès la fin de son diplôme, mais finalement, pendant toutes ses études, elle aura eu zéro formation ou alors peut-être une demi-heure où on va parler un petit peu du palliatif. Ouais. Et en fait, c'est assez perturbant pour, ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui sortent de ces formations et qui se retrouvent confrontés à des choses absolument folles. Oui, puis on a dit que c'était l'année de la santé mentale. Il paraît, oui. Alors, il va falloir faire pas mal de choses parce que la psychologie et l'accompagnement de la santé mentale n'est pas notre fort en France. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'ici, au Pays Basque, on a de la chance d'avoir des communes, et notamment Anglette. Anglette, je vais la citer, tiens, avec Christiane Bossavi, qui est élue à la mairie d'Anglette et qui vraiment en a fait son cheval de bataille. Hein. Et il y a la semaine de la semaine de la santé mentale à Anglette. Et c'est vraiment un moment très, très fort à Anglette et qui est particulièrement bien organisé avec du théâtre, avec des conférences, avec des choses qui sont intergénérationnelles. Et ça, c'est vraiment chouette d'avoir monté ça. Bah, en tout cas, Yannick, merci beaucoup. Quand on crée, en fait, c'est léger, c'est beau. Et puis créer quand tout est lourd, c'est quand même vachement courageux. Et parfois, c'est même essentiel. Yannick, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci pour ta sincérité. Merci pour... tout ce que tu représentes et merci de nous avoir offert pour cette année 2026 cette magnifique affiche des fêtes de Bayonne. Merci et je vais te le dire en breton, Trougares, ce qui veut dire merci ou Mineshker en masque. Mineshker, souris.